Chapitre 5. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques sur la rive, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques, qui appartenait à Simon, et le pria de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance la barque à un endroit où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc, et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se rompre. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon était en effet saisi de crainte ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, dès maintenant ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre, laissèrent tout et suivirent Jésus. Comme Jésus se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. Quand il vit Jésus, il se jeta devant lui, le visage contre terre, et le pria en ces mots, « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre quitta cet homme. Jésus lui donna cet ordre, « Ne parle de cela à personne, mais va montrer au prêtre comment tu es. Puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné, pour prouver à tous que tu es guéri. » Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient assis près de lui. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Les gens arrivèrent, portant sur un lit un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule. Ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles, et le descendirent sur son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit au malade, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est cet homme qui parle ainsi contre Dieu? Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus connut leurs pensées et leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il adressa alors ces mots au paralytique, « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit le lit sur lequel il avait été couché, et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses merveilleuses. » Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi, assis à son bureau. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Puis Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison. Un grand nombre de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi, qui étaient de leur parti, s'indignaient, et ils dirent aux disciples de Jésus, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Jésus leur répondit, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de docteurs, Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des gens respectables, mais des gens de mauvaise réputation pour qu'ils changent de vie. Des personnes dirent à Jésus, les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même que les disciples des pharisiens, mais tes disciples, eux, mangent et boivent. Jésus leur répondit, pensez-vous pouvoir obliger les invités d'une noce à se passer de manger pendant que l'époux est avec eux? Bien sûr que non. Mais le temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Quand ces jours seront là, alors ils jeûneront. Jésus leur dit aussi cette parabole. Personne ne déchire un morceau d'un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Sinon le vêtement neuf est déchiré et la pièce d'étoffe neuve ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon le vin nouveau fait éclater les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais non, il faut verser le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne ne veut du vin nouveau après en avoir bu du vieux. On dit en effet, le vieux est meilleur.